tu vois pas ce qui est rare et cher. Tu penses à moi, je pense au gain, je pense à m'enrichir. Et je pète une blonde sur la route qui mène à la richesse. Avec une brune qui n'a pas peur qu'on prenne de la vitesse. Tu dans le fils, pointless, palette au volant. Côté passagère ou les jouets d'Hollande. T'attaches pas, j'ai pas côté Hollande. Sois naturel et t'inquiète, on s'aime en rigolant. Je gamos, vamos, j'ai la frappe à ma reste. Et reste comme Ramos, je suis dans le cœur à ta reste. Sur le carrosse, adios, ça mérite pas une caresse. On est des battants, slogos, nous niquer, tu peux pas être. Je gamos, vamos, j'ai la frappe à ma reste. Et reste comme Ramos, je suis dans le cœur à ta reste. Sur le carrosse, adios, ça mérite pas une caresse. On est des battants, slogos, nous niquer, tu peux pas être. Tu parles malin, t'es mal poli. J'attache à Marseille, j'enterre à Napoli. Je suis mélancolique, Matrix est sous RGP à la Montana Tony. Tu es au repas, ce soir c'est la folie. Je suis sur tes côtes et je te guette de la colline. Si ça se trouve, la faucheuse est sous ton lit. Mais elle va nous laisser faire, oui je la connais hein. Je débarque avec deux, trois acolytes. J'ai la guitare, mais la musique, tu la connais. Tu parles de peupon et de brolique. Dans tes clips et dans la vie, t'es game over. Je suis dans le gamos, vamos, j'ai la frappe à ma reste. Et reste comme Ramos, je suis dans le cœur à ta reste. Fais le carrosse, adios, ça mérite pas une caresse. On est des battants, slogos. J'ai la frappe à ma reste. Et reste un comme Ramos, je suis dans le cœur à ta reste. Veux le carrosse, adjo, ça mérite pas une caresse. On est des battos locos, Munich et tu peux pas essayer. Señorita, ven, battos locos. Tu me cherches ma bella, ouais, je suis dans la zone. Señorita, ven, battos locos. T'inquiète ma bella, ouais, je contrôle la zone. Señorita, ven, battos locos. Tu me cherches ma bella, ouais, je suis dans la zone. Señorita, ven, battos locos. T'inquiète ma bella, ouais, je contrôle la zone. J'suis dans le gamos, vamos, j'ai la frappe à ma reste. Et reste un comme Ramos, je suis dans le cœur à ta reste. Veux le carrosse, adjo, ça mérite pas une caresse. On est des battos locos, nous niquer, tu peux pas essayer. Tu veux dépenser, j'en prends votre pour danser. Tu t'ambiances et pour elle, tu vas dépenser. Dans le carré vite, tu perches, je fais que penser. À ce que je vais faire à ta future fiancée. Et reste un comme Ramos, je suis dans le cœur à ta reste. Des battos locos, nous niquer, tu peux pas essayer.